l'esquif plane. Encombré d'hommes et de ballots, parmi les arcs-en-ciel, les azurs, les halos, et sa course, et chevaux qui s'enfincent des vides, a pour point d'appui l'air, et pour moteur le vide. Sous le plancher, s'étage en chaos régulier de ponts flottants, que lie un tremblant escalier. Ce navire est un louvre, errant avec son faste. Un fil le porte. Il fuit, léger, fier, et si vaste, si colossal, au vent du grand abîme clair, que le Léviathan, rampant dans l'âpre mer, a l'air de sa chaloupe aux ténèbres tombées, et semble, sous le vol d'un aigle, un scarabée se tordant dans le flot qui l'emporte, tandis que l'immense oiseau plane au fond d'un paradis. Si l'on pouvait rouvrir les yeux que le ver ronge, ô ce vaisseau, construit par le chiffre et le songe, éblouirait Shakespeare et ravirait Euler. Il voyage, délos gigantesque de l'air, et rien ne le repousse, et rien ne le refuse, et l'on entend parler sa grande voix confuse.